Les Rubaïyats, les Quatrains, par Omar Khayyam, traduit en vers français d'après la célèbre version anglaise de Fitzgerald, par James Henry Allard, édition 1912. Préface. Au mois d'avril 1909, je faisais la traversée de la Manche. J'allais en Italie. Le détroit était un peu houleux, et voulant m'empêcher de penser au mal de mer, je me mis à traduire en vers français ce que je pouvais me rappeler du célèbre poème de Fitzgerald. Avant d'arriver à Côme, j'avais déjà traduit, tant bien que mal, 5 ou 6 versets. Je me plaisais à la besogne, et pendant mon séjour à Côme, où j'étais réduit à l'inaction physique par une attaque d'influenza, je traduisis encore quelques 10 versets. Ce fut là le commencement de ce que j'offre ici au public lettré. L'œuvre de Fitzgerald est assurément un des plus jolis joyaux de la littérature anglaise moderne. Son succès est immense tant en Angleterre qu'en Amérique. Les éditions succèdent aux éditions et ce n'est pas encore la fin. Aurait-on quelque peu surfait le mérite, pourtant si grand, de ce petit poème, je le craindrais un peu. Le héros, Omar lui-même, fut, à coup sûr, un homme très remarquable. Mathématicien et astronome, il jouissait à juste titre d'une grande renommée de savant dans la Perse du XIIe siècle. Mais était-il grand poète? Je ne le crois guère. D'après les traductions que j'ai lues de ses rubaïyats, je suis fort peu enclin à le regarder comme tel. C'était surtout un savant, un tourmenté, un faible, avec un tempérament religieux et poétique. Sa philosophie, si philosophie il y a, était que, les problèmes de la vie étant insolubles, la seule chose qui reste est le plaisir. Il s'acharne, sans toutefois se convaincre, à démontrer cette vérité. C'est bien le « mangeons, buvons et faisons la fête, car demain nous mourrons » de tous les désabusés. Il semble croire que c'est là une déduction, pour ainsi dire, mathématique. Assurément, nul n'a exprimé cette pensée avec plus de profondeur qu'Omar. Horace, auprès de lui, n'est qu'un épicurien vulgaire. Pour trouver de tels accents, il faut aller à l'anthologie grecque ou à l'Ecclésiaste. Au fond, ce ne sont que des lieux communs et non pas des originalités profondes. On n'a pas tant ici une philosophie à critiquer qu'un tempérament à plaindre. Très aimé de ses amis, Omar fut sans doute un homme aimable et charmant. Mais franchement, il ne compte pas dans l'histoire de la morale, ou plutôt il compte comme négation, c'est peut-être encore compté. Ses prétentions poétiques sont plus sérieuses. Il paraît qu'il est très estimé par certains de ses compatriotes, mais assez à faux. On lui a prêté des intentions de soufi, c'est-à-dire qu'on a interprété ses allusions au vin et à l'amour comme s'il parlait d'une intoxication causée par la présence divine. Il est vrai qu'Omar est un peu complice de cette confusion, peut-être volontairement, car il emploie des expressions qui s'y prêtent facilement. Mais ce serait, je crois, une erreur de critique littéraire que de voir autre chose en ses allusions que le vin et l'amour humain. Ne sachant pas un mot de persan, il m'est absolument impossible de juger de l'effet des rubaïyats dans cette langue. Je ne puis le faire que d'après les traductions que j'en ai lues. Celle de Nicolas, parue en 1867, tout en étant fort méritoire, est viciée, à mes yeux, en ce qu'elle adopte le symbolisme religieux comme inspiration du poème. Mais il faut savoir gré à ce diplomate français d'avoir été un initiateur. Vinrent ensuite la traduction de l'anglais Aaron Allen, parue en 1898, et celle de M. Charles Groslot, parue en 1902. Ces deux dernières traductions sont modelées sur le texte le plus ancien d'Omar, celui qui est conservé dans la bibliothèque bodléienne à Oxford et qui contient le moins de gloses. Enfin, nous arrivons à l'œuvre de Fitzgerald. Si jamais l'expression « belle infidèle » fut méritée, ce fut ici. Ce n'est plus une traduction, c'est une paraphrase, un remaniement. Des belles pensées éparpillées dans l'original, il a fait une gerbe, en y ajoutant du sien. C'est un monologue en faveur de l'hédonisme, où le Coëlette s'exprime avec beaucoup de charme, beaucoup de tristesse, et en même temps beaucoup d'esprit. Le néant de toute chose n'a certes jamais été plus spirituellement montré. On plaint le vieux faiseur de tentes, Khayyam, et on ne peut s'empêcher de l'aimer, tellement il est sincère, tellement bon enfant. C'est pour ainsi dire un Pascal inverti. Tout comme le penseur français, il voit le gouffre à ses côtés. Il le voit toujours. Tous deux, ils crient à leurs semblables « Hébétez-vous !» Ce que les pratiques religieuses furent pour Pascal, le vin le fut pour Omar. Tous deux semblent ignorer qu'en face des problèmes insolubles de l'existence, on peut prendre une attitude tout autre. On pourrait même dire qu'il y a de la poltronnerie dans les deux cas. Les anciens Norvégiens disaient que l'homme ne peut échapper à sa destinée, mais qu'il est maître de sa façon de l'accepter. Sans doute Pascal était un caractère plus élevé et plus noble qu'Omar, mais son attitude vis-à-vis de la vie n'est pas tellement différente de celle du philosophe persan. Maintenant, un mot sur la façon dont j'ai traduit le poème de Fitzgerald. Cette poésie qui peut, je crois, s'appeler « Matre pulcra filia pulchrior ». J'ai tenu à en reproduire aussi exactement que possible la pensée, voire les tours de phrase. Cela n'a pas toujours été chose facile. Il y a dans l'anglais quelque chose de serré, et même d'un peu brutal, qui ne se laisse pas facilement transférer en une autre langue. La concision de ces stances si savamment agencées est presque horacienne. Jamais un mot de trop. L'expression se colle à la pensée comme la peau d'un athlète à ses muscles. En choisissant la forme qui conviendrait, j'ai cru devoir me conformer autant que possible à celle de l'original persan, qu'imite en cela Fitzgerald. Ces quatrains, dont le premier, le second et le quatrième vers riment ensemble, en laissant le troisième blanc, ont un effet très spécial et hautement original. Comme dit Fitzgerald lui-même en sa préface, ils ont un peu l'effet de la stance alcaïque. C'est une vague qui déferle avec un fracas musical. Je sais, trop bien hélas, que tout étranger qui se mêle d'écrire des vers français court bien des risques. Mais j'ai voulu les affronter. Et d'abord, je me rends fort bien compte qu'en laissant un vers blanc, je pêche contre les règles classiques, et peut-être, ce qui pisait, contre le génie de la langue. D'autre part, je sais que des poètes français, tant anciens que modernes, ont tenté l'entreprise, et je me cache derrière eux. De plus, j'ai négligé l'alternation entre les strophes de rimes masculines et de rimes féminines, n'en gardant que l'ombre et l'écho. Ainsi, si les trois rimes dans chaque strophe sont masculines, le vers blanc se termine par une rime féminine, et vice-versa. Mais voilà tout. C'est encore, peut-être, péché contre le génie de la langue. Mais là non plus, je n'ai pas innové. Enfin, voilà ma confession. J'espère que la façon assez stricte avec laquelle je me suis astreint à observer d'autres règles de la prosodie française me fera pardonner ces écarts. Il me semblait qu'une observation plus méticuleuse des convenances métriques m'aurait trop gêné. Un traducteur ne peut faire marcher sa pensée au gré des rimes, ce que font à leur insu la plupart des poètes. Sa loyauté à l'original l'en empêche. Pour être fidèle à la métrique, il lui faudrait être infidèle à son texte. Si cet effort réussit à faire connaître davantage en Europe le célèbre poème de Fitzgerald, je n'aurais pas tout à fait perdu ma peine. À mes amis français de Liverpool, messieurs Bazin et Renaud, surtout à ce dernier, ainsi qu'à monsieur Barbet de Paris, pour leur généreuse collaboration, hommage et reconnaissance. Je dois rappeler ici, avec une pieuse et affectionnée gratitude, le nom de feu mon ami Hayward Porter de Harrogate, dont la science littéraire et la généreuse bonté m'aidèrent beaucoup dans mon travail.